On attribue souvent à l'abbé Breuil l'idée d'un berceau de l'humanité muni de roulettes, donc se déplaçant au gré des découvertes. Ainsi, et en quelques décennies, ce berceau des origines a donc migré sur quelques milliers de kilomètres, puisque parti d'Afrique australe et orientale, celui-ci est venu en droite ligne s'implanter au Tchad. Ce qui est vrai pour les premiers hominines, les australopithèques, s'avère aussi valable pour notre propre espèce, l'Homo sapiens, dont le premier représentant, l'homme du Djebel Iroud, a été fraîchement découvert par notre invité, Jean-Jacques Hublin. Bonjour. Bonjour. Homme de terrain, homme de laboratoire ou professeur en chaire, il faut savoir tout faire quand on est paléoanthropologue. Fouilleur d'un superbe gisement préhistorique marocain, dont nous allons reparler, mais aussi directeur du département d'évolution humaine de l'Institut Max Planck à Leipzig, au cœur même du séquençage génétique de nos grands fossiles de l'humanité, mais aussi et depuis 2021, professeur au Collège de France, bien entendu titulaire de la chaire de paléoanthropologie. Quoi donc pourrait-on ajouter à ce superbe parcours ? Ah oui, vous venez de recevoir Jean-Jacques Hublin le prix Balzan pour l'évolution humaine et venez d'intégrer l'Académie des sciences. Avant d'évoquer le Djebel Iroud, superbe gisement marocain, j'ai récemment lu dans un grand quotidien étranger que vous aviez des points de vue hétérodoxes. Ma première question, Jean-Jacques Hublin, va donc être simple. Le paléoanthropologue que vous êtes, peut-il avoir des sentiments envers quelques vieux ossements, ossements fossiles, ayant bien entendu appartenu à des individus ? Complètement. Complètement. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est si hétérodoxe que cela. Je me plais à penser que la plupart des gens qui font de la bioarchéologie, de l'anthropologie, de la paléanthropologie, ont cette sensibilité. Les ossements que nous étudions ont appartenu à des êtres parfois proches de nous. Et évidemment, être à leur contact, c'est quelque chose qui vous plonge dans une espèce d'interrogation sur leur vécu, leur destinée, leur mort. Et alors, je pense que c'est particulièrement sensible quand il s'agit de mettre au jour des fossiles dans un site. Parce qu'évidemment, son habitat. Oui, oui, alors, les fossiles qui sont dans des musées, on les connaît déjà, donc on est content de les rencontrer. Mais ce que l'on tire d'un niveau archéologique, moi j'ai vraiment le sentiment de les sortir de l'oubli. C'est-à-dire, je me dis, voilà, si nous n'étions pas là, si nous n'étions pas en train de les dégager, et puis plus tard de les décrire, de les expliquer, de raconter un petit peu de leur vie, dans le fond, eh bien, ils seraient dans un oubli total. Et l'oubli total, c'est pire que la mort. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui habite les paléoanthropologues. Donc ce ne sont pas que des objets, ce sont aussi des sujets. Repartons donc sur le terrain. Que savait-on des premiers Homo sapiens avant la découverte du Djebel Iroud ? Dans les années 80 du XXe siècle, est apparue de façon assez claire la notion d'une origine africaine de tous les hommes actuels. Et assez vite, évidemment, on s'est posé la question de savoir s'il n'y avait pas un berceau africain quelque part. Alors, il y a quand même sur cette notion d'origine dans un berceau une vision un peu biblique des choses quand même. Et d'ailleurs, dès les débuts de cette thèse de l'origine africaine de l'homme, on a vu fleurir des expressions comme l'Ève africaine, le jardin d'Éden, etc. On aime bien l'idée qu'il y ait un jardin d'Éden, un lieu, et puis aussi l'idée qu'il y ait une espèce d'émergence comme ça, adamique, de l'homme tel qu'il est aujourd'hui, avec dans le fond assez peu de changements, j'allais dire depuis Adam et Ève, mais depuis Sapiens, Pléistocène. Et ce qui collait le plus avec ça, c'était l'Afrique de l'Est, dans le fond, un petit peu l'Afrique du Sud, mais surtout l'Afrique de l'Est. Et donc on a placé ce jardin d'Éden là-bas. Mais dans le fond, le problème qu'on a avec la paléanthropologie africaine en général, c'est qu'en fait, il y a la plus grande partie de l'Afrique qui n'a jamais été vraiment explorée. Donc on a un continent qui est immense et sur lequel les recherches se sont concentrées dans des zones bien particulières. Et donc évidemment, on a tendance à tracer des pointillés entre les points qu'on connaît et les points qu'on connaît, bah, ils étaient là. Jean-Jacques Hublin, faut-il chercher là où les autres chercheurs ne cherchent pas ? Le pari semble bien sûr risqué, mais peut profondément modifier notre vision de l'évolution humaine. C'est le cas du Tchad avec un australopithèque. Ne serait-ce pas aussi le cas du Maroc avec le Djebel Iroud ? Je pense qu'il faut chercher là où on n'a pas encore trouvé. Mais alors évidemment, c'est une politique un peu risquée quand même, hein, parce qu'il y a des endroits où... il va être très très difficile de trouver quelque chose, donc il faut être raisonnable. Mais c'est tout à fait vrai, la carte géographique des fossiles d'hominines en général, et puis aussi la succession de périodes géologiques, sont pleins de blancs, et je pense qu'il faut essayer de les remplir. Alors évidemment, il faut aussi quand même garder raison et aller dans des endroits où, une, on a quand même un peu des chances de trouver quelque chose. Et puis surtout, je crois, il faut concentrer ses efforts sur des sites ou des régions ou des périodes où on peut trouver des réponses, dans le fond, à des questions irrésolues. Parce que dans redécouvrir ce que les autres ont déjà découvert en mieux, c'est souvent ce qu'on fait, hein. Mais c'est pas très satisfaisant. L'archéologie, c'est une science cumulative, quand même. Oui, voilà. Oui, bien sûr. Non, mais ce qui est vrai, c'est que, voilà, concrètement, quand les gens ont ramassé beaucoup d'argent pour mener une opération de terrain lointaine, ils veulent pas prendre le risque, quand même, de revenir complètement bredouille. Donc, la tentation est forte, quand même, d'aller, bah, justement, en Afrique de l'Est, par exemple, où on sait qu'il y a des conditions géologiques très, très favorables à la conservation des fossiles. Quels sont les éléments qui font des individus du Djebel Iroud des sapiens? J'imagine quelques éléments caractéristiques de notre propre espèce. Ah, bah, ils ont une tête de sapiens. Hein, ils ont une figure de sapiens, si je peux dire. J'ai souvent dit, hein, ce sont des visages qu'on pourrait croiser aujourd'hui dans la rue. Alors quand même impressionnant, hein, mais ce sont des visages d'hommes modernes. Une denture, une morphologie faciale qui est assez proche de la nôtre. Soit en passant, qui en même temps est une structure anatomique assez ancienne dans le fond. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais de ce point de vue-là, les hommes de Néandertal, par exemple, sont beaucoup plus dérivés par rapport à la forme ancestrale que l'Homo sapiens. Cela veut donc dire qu'ils possèdent aussi, malgré tout, des caractères primitifs ? Ah oui. Et là, on se tourne de l'autre côté de la tête, si je peux dire. La boîte crânienne et surtout le cerveau qui est à l'intérieur est quand même assez différent de celui des hommes d'aujourd'hui. Pas tellement en taille, à peu près la taille de cerveau actuel, mais dans l'organisation, dans la forme générale. Et puis alors, on a maintenant aussi des données paléogénétiques et génétiques qui indiquent que pendant toute la période de temps qui nous sépare de ces hommes d'il y a 300 000 ans, eh ben, il s'est accumulé un certain nombre de mutations. Et en fait, l'évolution de ce cerveau, qui est quand même l'organe qui a le plus changé, hein, au cours de ces 300 000 ans, eh bien, c'est probablement une amélioration de la connectivité, une amélioration, entre guillemets, des performances, sans justement augmenter la taille de façon exagérée, parce que la taille du cerveau, ça coûte cher à l'organisme. Donc, des individus presque comme nous, avec encore quelques caractères primitifs, c'est ça, à peu près ça ? Oui, ils ont des caractères primitifs. Ce qu'il faut bien comprendre, ça a été un des résultats de ces travaux à Djebel Iroud, hein. C'est que justement, il n'y a pas comme ça une apparition soudaine d'un homme, entre guillemets, moderne, avec tous les attributs anatomiques et comportementaux de ce qu'on considère comme un homme moderne. En réalité, il y a une évolution assez marquée qui s'est déroulée depuis les hommes de Djebel Iroud jusqu'à nous. Essentiellement dans le cerveau, donc. Oui, essentiellement, mais pas que. Hein. Il y a des modifications autres. En fait, l'évolution s'est jamais arrêtée. On aimerait bien ça, hein, d'une certaine certaine façon. On aime bien l'idée qu'il y a un point dans le passé à partir duquel on peut dire, bon voilà, maintenant c'est terminé, ce sont des hommes et ils sont comme nous et ce qui va se passer, c'est uniquement des changements comportementaux, culturels, techniques. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que ça ne s'est jamais arrêté et même depuis le néolithique, hein. Notre génome, il a changé. Il a changé sous l'effet de changements comportementaux et même économiques. L'homme du Jebel Irhoud est un sapiens. Dans ce cas, peut-on aussi penser qu'il est un homme moderne? Le terme « homme moderne » est assez... Je pense débattu que... aussi. Je pense que ce terme d'homme moderne est assez malheureux. Parce que dans le fond, quand on remonte dans le passé, il est utilisé de façon un peu ambiguë, parfois dans une signification qui est plutôt cladistique, hein, c'est-à-dire on parle de la lignée qui mène à l'homme actuel. Mais le problème, c'est que il est aussi parfois employé en signifiant que dans le fond, on a des hommes très proches des hommes actuels, ce qui est pas le cas. Hein. En fait, ces hommes, si je voulais être provocateur, je dirais ces hommes de Jebel Irhoud et même des hommes plus récents, ils ne sont modernes ni sur le plan anatomique, ni sur le plan comportemental. Hein. Mais ils appartiennent à une lignée qui va donner les hommes d'aujourd'hui. Puisque vous dirigiez le laboratoire de l'évolution du Max Planck Institute, avez-vous tenté donc de faire le génome de cet homme du Jebel Irhoud ? Alors sur le versant paléogénétique, moi je suis plutôt pour la prudence en matière d'échantillonnage, parce que je connais des tas d'histoires très tristes de fossiles, et même parfois de fossiles célèbres, hein, qui ont été endommagés par des prélèvements qui n'étaient pas justifiés. Et donc évidemment, à Jebel Irhoud, ce qu'on a commencé par faire, c'est tester des restes de faune dans le gisement. Et après avoir testé pas mal d'ossements, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas du tout d'ADN conservé. D'ailleurs, ce n'était pas vraiment une surprise, hein, parce qu'on sait que l'ADN... C'est le climat. Oui. En Afrique, hein, l'ADN le plus ancien qu'on connaisse, l'ADN humain, il a un peu plus de 20 000 ans. Hein, et quand on remonte au-delà, les conditions de milieu ne permettent pas sa conservation. Donc là, on n'avait pas d'ADN, donc il n'y avait vraiment aucune raison d'aller saccager un fossile juste pour dire on a essayé et on n'a rien trouvé. Deux mots aussi peut-être sur le gisement lui-même du Jebel Irhoud, là où l'équipe franco-marocaine œuvre, non loin de Marrakech, dans une carrière en exploitation ayant éventré une grotte, c'est ça ? C'est une mine qui a ouvert une cavité, qui s'est en partie effondrée d'ailleurs. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça ressemble à une carrière. Le gisement a été quand même très très très abîmé. Hein. On a fait sauter à la dynamite le toit de la grotte. Mais c'était une grotte à l'origine, et c'était une grotte qui était près du sommet d'une petite montagne, et une grotte d'ailleurs ouverte non pas vers la plaine en contrebas, mais ouverte vers le sommet de cette élévation, donc avec une structure géologique qui a permis la formation de ce qui devait être un avène en fait. Avec une grande cavité, un puits en pente avec un cône de sédiments qui tombaient à l'intérieur et les hommes qui se sont installés sur ces pentes et qui ont d'ailleurs eu une activité assez particulière dans le site. Hein. Beaucoup de traces de feu, c'est curieusement, mais en même temps des occupations qui paraissent un peu... éphémère, avec pas mal de présence de carnivores. C'était une tanière de panthères en particulier, régulièrement, cette grotte. Et des hommes qui viennent probablement pour faire quelque chose de particulier, qui viennent d'assez loin. Les matières premières disent qu'ils viennent d'à peu près une trentaine de kilomètres au sud. Et ils viennent là régulièrement. Et voilà, il y en a 5 d'entre eux à qui il est arrivé quelque chose. France Culture. Carbone 14, Vincent Charpentier. Jean-Jacques Hublin, nous avons souvent évoqué la sortie d'Afrique, l'out of Africa, mais il n'y en a pas qu'une. Celle de Sapiens va être sans précédent à l'échelle du globe. Sapiens s'avère une espèce invasive, s'adaptant à des aires au-delà de son écoumène naturel. Alors non seulement il y a plusieurs sorties d'Afrique de différents hominines au cours des 2 derniers millions d'années, Mais Sapiens lui-même est sorti plusieurs fois d'Afrique. Et donc on voit dans le génome des Néandertaliens l'arrivée d'éléments génétiques d'origine africaine il y a déjà 300 000 ans. Donc il y a des sortes de pulsations, ça se passe essentiellement au Proche-Orient, et des fossiles qui ont une tête de Sapiens africain qui date de 180 000, 220 000. Alors toutes ces sorties qui vont s'étendre parfois sur l'Asie du Sud, je pense qu'elles sont essentiellement gouvernées par des changements environnementaux. Dans le fond, c'est l'environnement de ces populations africaines qui, de temps en temps, s'étend sur la péninsule arabique, sur le Proche-Orient, et donc ils y vont, c'est chez eux. Mais il y a 55 000 ans à peu près, on n'est pas à un millier d'années près, là il va se produire une sortie qui va être la bonne, si je peux dire, et qui va aboutir au peuplement de toute l'Eurasie, très au-delà des zones du sud-ouest asiatique, une espèce de montée irrésistible jusque dans les très hautes latitudes. Il y a 30 000 ans, il y a des hommes qui vivent au bord de l'océan Arctique. Et puis ensuite, ils vont passer en Amérique. Ils sont déjà passés en Australie. Donc il y a cette... 60 000 ans à peu près, l'Australie. Oui. Alors, bon, la question qui se pose toujours, c'est la différence entre les sites archéologiques les plus anciens et les dates que nous donnent les généticiens sur l'origine commune des gens qui vivent là. Et la réponse à ça, c'est que oui, il y a une différence, et la différence, elle s'explique par le fait que souvent, les premiers arrivants n'ont pas de descendance dans les populations actuelles. Et donc, on a quelques sites archéologiques, mais dans le fond, ce sont des traces assez éphémères, et le vrai peuplement va arriver un petit peu plus tard. Vous n'hésitez pas à dire qu'au lieu de s'adapter à des environnements différents, les hommes adaptent l'environnement à leurs besoins. Cela, bien sûr, le cas il y a quelques millénaires, notamment avec le néolithique, mais était-ce pour autant vrai pour les temps très anciens du paléolithique ? Oui, le fait d'allumer un feu, le fait de construire un abri, c'est déjà une modification à petite échelle de l'environnement. Donc les hommes pratiquent ce qu'on appelle en biologie une construction de niche, c'est-à-dire comme les termites ou les castors, ils modifient leur environnement et s'adaptent biologiquement à l'environnement artificiel qu'ils ont créé. Alors cette altération de l'environnement, elle est très spectaculaire effectivement à partir du développement de l'agriculture. Mais chez des chasseurs paléolithiques, on voit déjà ce phénomène à l'œuvre. Et même chez des prédécesseurs de Sapiens en Europe. Il y a un site en Allemagne qui s'appelle Neumark Nord, qui est pas très loin de Halle, où on a un site donc laissé par les Néandertaliens du dernier interglaciaire, avec une reconstitution de l'environnement qui ne colle pas très très bien avec ce qu'on attend, dans le fond, dans ces conditions climatiques de l'Eumien. Et il semble que, comme d'ailleurs des chasseurs-cueilleurs paléolithiques plus récents, ces Néandertaliens ont utilisé le feu pour, dans le fond, façonner un petit peu le paysage autour d'eux. Les hommes n'aiment pas trop la forêt trop épaisse. En tout cas, pour chasser des grands ongulés, il vaut mieux des paysages un petit peu plus dégagés. Et donc, le feu, pendant le paléolithique supérieur, et alors plus près de nous, c'est encore plus clair, a été utilisé par ces hommes du paléolithique. En Australie aussi, la mégafaune est détruite, c'est ça ? Alors l'impact sur la faune... La grande faune. Oui, mais la grande faune, la petite faune. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles notre espèce a supplanté toutes les autres, il y en a probablement plusieurs, mais une des raisons, c'est justement une capacité à exploiter l'environnement de façon assez intense. J'ai l'habitude de dire, il savait presser le citron encore mieux que les autres. Et donc, on a, avec l'expansion de notre espèce, des disparitions assez nombreuses au cours des derniers 100 000 ans, on va dire, qui se concentrent surtout dans les régions où justement il n'y avait pas eu une longue coévolution des hommes et de la faune. Alors, c'est surtout vrai en Amérique, en Australie, mais même en Europe, Il y a des, vous savez, les ours des cavernes, ils ont vécu leur vie d'ours des cavernes très longtemps à côté des Néandertaliens. Quand les sapiens sont arrivés, pas tout de suite, mais assez rapidement, ça a été fini pour l'ours des cavernes. Hein. Et ça, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Au cours de l'évolution humaine, quelques 30 espèces d'hominidés ont vécu parfois ensemble dans des mêmes contrées. Aujourd'hui, notre espèce est totalement orpheline. Cela veut-il dire que nous avons éliminé tous nos concurrents ? Alors éliminer, je ne sais pas si c'est le verbe qui est le plus adapté, mais ce qui est certain, c'est que tout ce qui existait, disons, avant 40 ou 50 000 ans, en dehors de Sapiens, a été remplacé, en partie absorbé, mais en toute petite partie seulement. Et il y a voilà, ce remplacement généralisé. Et évidemment, souvent, on se pose la question de pourquoi l'homme de Néandertal a disparu. Alors, on a parlé du climat, des rayons cosmiques, d'éruptions volcaniques, de je ne sais quoi. De l'homme moderne aussi. Oui, mais en réalité, la vraie question, c'est pas pourquoi l'homme de Néandertal a disparu. Parce qu'il n'y a pas que lui qui a disparu. Tous les autres ont disparu aussi. Donc la question, c'est qu'est-ce qui est, dans le fond, particulier à Sapiens et qui fait que... Alors, pour les Sapiens récents, hein, je ne parle pas des Sapiens d'il y a 300 000 ans, 200 000 ans ou même 100 000 ans, mais disons à partir de 50 000 ans, dans le comportement, la démographie, les techniques d'exploitation de l'environnement, je pense aussi, hein, dans les interactions sociales, les réseaux de solidarité qui se créent, il y a quelque chose dans notre espèce qui fait que voilà, les autres s'effacent. Donc du social et du cognitif ? Ben, on met souvent en avant plutôt le côté technique. Voilà, on dit, voilà, ils savaient, je sais pas quoi, fabriquer des vêtements, coudre, c'est vrai. Mais, en tout cas, pour les périodes récentes. Et je pense qu'on sous-estime peut-être le côté complexité sociale. Dans le fond, l'image qu'on a des Néandertaliens et d'autres formes archaïques sont des espèces qui sont très très bien adaptées à l'environnement, qui ont même des technologies parfois assez complexes. Mais en même temps, on ne discerne pas ces échanges à grande distance qu'on va voir dans notre espèce tout de suite à l'arrivée en Europe. Pratiquement immédiatement, on voit qu'on a affaire à des groupes qui, même si ils rassemblent un petit nombre d'individus, dans le fond, appartiennent à des réseaux qui sont des réseaux géographiques assez étendus. Vers 55 000 ans, l'homme moderne, l'homo sapiens, sort donc d'Afrique. Vous traquez donc ces sites en Europe. On commence déjà à trouver des sites autour de 45 000 ans, en Tchéquie et Bulgarie par exemple. Mais pour autant, Jean-Jacques Hublin, que pensez-vous de l'éventuelle présence de sapiens dans la vallée du Rhône, bien avant cette date-là, vers 54 000 ans, qui a été récemment publiée par des chercheurs français, la fameuse grotte Mandrin? Mondrin, oui. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. En gros, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'on a compris que une des plus anciennes industries du Paléolithique supérieur, qu'on appelle l'Aurignacien, et qu'on a longtemps considéré comme le marqueur de cette arrivée de Sapiens en Europe, en fait, avait été précédée par des peuplements beaucoup plus anciens. Et ces peuplements, d'ailleurs, ce qu'on en perçoit, hein, c'est que ce sont des petits groupes, en fait, qui s'avancent très loin dans le territoire, dans le monde des Néandertals. Alors, à propos de Mandrin, bon, je pense qu'on attend, dans le fond, une confirmation, on attend plus de matériel, on attend si possible de l'ADN et des datations directes. Mais on attend. On attend. Quoi qu'il en soit, cette conquête de Sapiens en Europe est au cœur des débats. Nous en avions parlé, mais les choses avancent très vite en ce moment. La femme purement Sapiens de Zlatikoun, vieille de quelques 45 000 ans et découverte en Tchéquie, est-elle toujours d'actualité ? Ah oui, même complètement, on va en reparler dans pas très longtemps, je pense, de la femme de Zlatikoun, parce que il y a des travaux qui qui sont en cours de publication, dont je ne peux pas trop parler, autour de ces premiers peuplements de l'Europe. Ce qui est vraiment fascinant avec cette femme de Zlatikoun, alors d'abord, là, pour le coup, c'est un fossile qui est bien conservé. Hein. Ce n'est pas une dent de lait ou un tout petit bout d'os, hein, c'est vraiment un crâne qu'on a dans nos tiroirs, si je peux dire, depuis assez longtemps. Et donc, c'est une de ces premières traces des sapiens en Europe centrale. Alors, curieusement, ce qu'on voit dans son génome, puisqu'on a un génome assez bien conservé, c'est qu'elle a des traces d'ADN néandertalien héritées des premiers contacts au Proche-Orient. Mais par contre, localement... ce groupe, en tout cas ses ancêtres à elle, ne sont pas hybridés avec les Néandertaliens locaux, ce qui n'est pas le cas de ce qu'on trouve dans d'autres sites de la même époque. Comme Bachokiro en Bulgarie, voilà, où les individus sont déjà matinés de Néandertal. Alors ils ont tous dans leur généalogie un ou une Néandertalienne. 4, 5, 6, 7 générations auparavant. Alors, évidemment, 4, 5, 6 générations, ça fait du temps, mais quand on parle du paléolithique initial, il y a 45 000 ans, c'est l'épaisseur du trait. Hein. Donc, c'est des gens... Littéralement, on est tombé sur des gens qui avaient rencontré les Néandertaliens en arrivant. Hein. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est ce que vous disiez, c'est une hybridation qui s'est faite juste quelques générations avant. Ça, c'est incroyable. Oui, alors on arrive à déterminer ça maintenant. Mais oui, parce que au moment d'une hybridation, donc il y a des grands segments d'ADN de papa et de maman qui se mélangent, hein, et on reconnaît ces grands segments. Et puis ensuite, au cours des générations suivantes, ils vont se fragmenter de plus en plus. Et donc, en regardant la longueur de ces fragments d'ADN néandertalien dans le génome, on peut déterminer le nombre de générations, effectivement. Cette première vague de sapiens n'aura pas de descendance viable, une sorte d'aventure sans lendemain, Jean-Jacques Hublin ? Alors, je ne sais pas si on peut dire une aventure sans lendemain. Ce qu'on peut dire, c'est que on ne trouve pas de traces de ces gens-là dans les hommes du paléolithique supérieur qui viennent ensuite. L'impression qu'on a, c'est que ce sont des tout petits groupes. Peut-être on parle de centaines de personnes, hein, pas plus. Et dans le fond, ils vont parfois se perdre un peu dans ce monde, à la périphérie du monde néandertalien. Mais surtout, il va venir derrière eux d'autres migrants, et en particulier ces hommes de l'Aurignacien. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus probablement significatif au point de vue démographique. Et donc, voilà, ils ont peut-être été aussi noyés un peu dans les peuplements plus tardifs. Jean-Jacques Hublin, un grand merci. Donc, je rappelle bien sûr que vous venez de recevoir le prix Balzan. Carbone 14 était réalisé par Émilie Valla, à la technique Alexandre Dang, et bien sûr avec la contribution de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.